Le séminaire du secteur des sciences sociales sur la portée historique du 7e congrès du Parti du Travail de Corée a eu lieu le 14 juillet à l'Académie des sciences sociales à Pyongyang. Y ont participé les cadres, enseignants, chercheurs, conférencières, journalistes et rédacteurs des domaines de la science, de l'enseignement, de la presse écrite et parlée et des hauts faits révolutionnaires. On a publié les dissertations qui expliquent de façon scientifique et théorique la portée de l'historique 7e congrès du parti.